Le temps qui passe dans nos veines étouffe les abonnés des rêves d'enfants que l'on sème le long des vertes années. Tant pis pour les marchands de bitume si les gosses sont cassés, cherchent le bonheur dans des brumes qui se vendent au fond d'une allée.